Les nuits d'été à Londres, par Georges Méry. La nuit est le jour de l'été. Les péripatéticiens l'ont prouvé avant moi, eux qui ont inventé l'art de vivre aux étoiles. En été, ils ne connaissaient d'autre midi que minuit. La chaleur n'existe pas, disaient-ils, c'est un mot vide de sens. Ces grands philosophes n'assistaient qu'au lever et au coucher du soleil. Ils aimaient mieux avoir 1022 soleils sur la tête qu'un seul. C'était plus riche et plus frais. Chez eux, on déjeunait à 8 heures du soir avec des figues sèches, des raisins de Corinthe, du miel d'Ibla, du vin de Crète, sous les platanes de l'Académie ou sur l'escalier d'une colonnade au pied de la statue de quelque dieu. On dînait à 3 heures du matin avec des rôtis succulents et du citis fleuri arrosé d'huile. Ils se promenaient avant et après le repas, devisant des choses du ciel et de la terre, se proposant des énigmes, se contant leur voyage en Sicile, où ils avaient appris la sagesse par principe de la bouche des rhéteurs en renom, existence douce, silencieuse, étoilée, insoucieuse du grand jour et du soleil. Sa vogue ne pouvait tenir devant le progrès des Lumières, noble secte qui s'est éteinte sans retour peut-être dans les zones du Midi et qui jette quelques lueurs encore à Londres, où la police complaisante protège toutes les opinions qui fuient le tumulte et l'éclat. La chaleur de l'été est intolérable dans le nord. Ce n'est pas la chaleur franche et expansive des contrées méridionales. C'est une oppression qui refoule la respiration dans la poitrine, comme si l'on présentait les lèvres à la bouche d'un four. À Londres, les jours d'été sont pleins de poussière, de fracas, de rosée, de suie et d'étouffement. Mais les nuits y rachètent merveilleusement les vices du jour. J'ai vu des nuits dans bien des pays. Elles se ressemblent toutes. Le peuple dort, il ne reste dans les rues que les maisons. La seule capitale de l'Angleterre a une existence nocturne à part. C'est un spectacle inouï qui produit l'effet d'un rêve de 20 lieues de circuit éclairé au gaz. Il est possible que l'Anglais indigène n'ait jamais remarqué Londres sous cet autre aspect. En général, personne ne connaît plus mal un pays que celui qui l'habite. Mais l'étranger saisit aisément toutes les nouveautés saillantes qui échappent aux nationaux. Il n'est point de ville au monde comparable à Londres pour la sécurité de ses nuits. Toutes les rues y sont illuminées comme des galeries de palais. On marche dans un éclair de gaz hydrogène et l'esprit s'effraie à calculer ce que coûte à fonder et à entretenir ce prodigieux travail souterrain d'artères et de veines qui rallume le jour et la vie dans cette cité immense. Toute l'Angleterre est ainsi soignée pour ses nuits, villes, bourgs, ponts, grandes routes. C'est partout la même et opulente illumination. Dans les pays où le soleil n'est à peu près connu que de réputation, où les lunes et les étoiles sont des auxiliaires inutiles, il n'est pas étonnant qu'on ait multiplié ces myriades d'astres factices afin de prouver à la nature avare qu'on peut se passer de ses dons quand on s'appelle l'Angleterre et qu'on a des mines de houille sous la main. Dieu veuille que les mines ne s'épuisent pas, Albion s'éteindrait. Rien ne favorise les promenades nocturnes comme cette clarté qui vous environne et assure vos pas. L'étranger, qui a toujours entendu parler des voleurs de Londres, traite de fables tout ce qu'on lui a conté. On ne peut passer d'un trottoir à un autre sans se croiser avec un sergent de ville. Une armée d'hommes de police s'éparpille en éclaireurs et garde la ville en détail. Ces policemen sont graves, inoffensifs, silencieux et mélancoliquement observateurs. La tolérance qu'ils accordent aux péripatéticiens des deux sexes est admirable. Ils ne vous demandent jamais « Où allez-vous comme à Paris ?» parce qu'on leur répondrait « Je me promène » et que la grande charte ne défend à personne de préférer la lune et les étoiles au soleil. Cependant, si le piéton nocturne portait atteinte au repos de la majorité diurne qui juge à propos de dormir, un policeman conduirait le péripatéticien en prison. Cela est de stricte justice sur une terre constitutionnelle où la majorité a toujours raison même lorsqu'elle a tort. À Londres, le peuple qui dort se couche vers les 2 heures du matin. Celui qui ne dort pas ne se couche qu'après le soleil levant ou quelque chose qui ressemble au soleil. Jusqu'à 2 heures, les théâtres jouent, les voitures roulent, le peuple boit du ginger beer qui est fort mauvais, les passants mangent des homards et des crevettes, Les jeunes gens fument dans les divans et les marchands de fleurs offrent des bouquets aux promeneurs affligés d'insomnie. La prostitution la plus étonnante qui fut jamais, et devant laquelle M. Parent du Châtel mourait de douleur une seconde fois, s'il revenait au monde. La prostitution du Bas-Empire, enrégimentée par Century, marchant comme une seule femme, mêlant le satin à la bure, le chapeau de fleurs à la dentelle Johnny, depuis le sérail éblouissant de Drury Lane, jusqu'au chantier sombre et pierreux de Charing Cross. La prostitution, à 100 000 bras, enlace tout le nouveau Londres, le Londres des colonnes peintes, des péristyles de carton, des hôtels d'argile, des palais de briques, des temples peints à l'huile et au vernis. Elle se roule, comme un monde fou de femmes ivres, devant cette architecture majestueusement mesquine, qui ne s'émeut de rien et qui n'a des croisées que pour ne rien voir. Dans toutes ces demeures vivent les plus nobles philanthropes qui travaillent à régénérer le monde, à faire refleurir la morale, à rendre à la vertu son culte, à l'homme sa dignité, à la femme sa pudeur, qui envoient des missionnaires protestants et des bibles aux anthropophages de Bornéo et de Van Diemen, aux païens d'Otaïti et des îles Sandwich, qui préparent une truelle pour poser la première pierre d'une maison de conversion, où 80 000 espaces hierrantes seront changés en madeleines par la grâce de Luther et de Calvin, philanthropes de haute vue qui rêvent l'amélioration des mœurs polaires et laissent polluer le seuil de leur maison, qui défrichent le champ de la morale sur les limites du monde et laissent la jeune fille mendier une insulte avant sa puberté sous le péristyle du cadran, ce gracieux trait d'union qui lie les souillures ténébreuses des deux Regent Street. À 2 heures, la scène change. Le monde qui reste sur la place ne semble pas appartenir à ce monde. Une lèpre vivante coule le long des maisons. Des êtres sans nom, sans sexe, sans voix, sans forme, vagues au hasard. Comme ces ombres qui attendent une obole pour passer de l'autre côté du fleuve. On assiste à des festins étranges, préparés au carrefour, sur les tables qui tremblent. Il faut trembler des chandelles et des plats de mets hideux. D'autres êtres, qui sans doute sont des hommes, passent devant, par groupes muets, et achètent, avec du cuivre imperceptible, d'énormes colimaçons crus et des débris hachés d'animaux antédiluviens. Tout autour règne une ligne d'hôtels opulents, dont le gaz fait ressortir le luxe ironique. Quel cadre et quel tableau! Le policeman se promène et, voyant que tout est bien, il laisse en paix les convives. Une procession d'âmes en peine défile silencieusement sur les trottoirs qui descendent à Carlton House. Les portes du parc Saint-James ouvrent l'Élysée de Londres à ses fantômes. Le long des haies, sous les arbres, sur les banquettes du parc royal, apparaissent des masses confuses de haillons qui flottent sur des squelettes, des chapeaux de paille en putréfaction ornés du crépus d'œil de Guillaume, des robes tourmentées, des visages monstrueux avec des yeux sans regard, des liasses de guenilles qui se tiennent par les mains. Le joyeux gaz hydrogène éclaire tout cela tranquillement, avec sa flamme sereine, et trahit les ombres courtisanes, rôdant autour des graves et chastes sentinelles qui gardent l'ombre du roi mort. Aucune voix, aucun cri, aucune plainte ne se fait entendre sous ces bocages. Ceux qui veillent respectent le sommeil des hôtels de Carlton Terrace. C'est une promenade en pantomime, où la licence est grave et ne rit pas de ce qu'elle fait. C'est un badinage mélancolique, une espièglerie sérieuse, qui ressaisit son innocence devant le policeman, et ne prend de ses plaisirs ou de ses peines que ce que lui permettent les lois du pays. Dans toute l'étendue de ce parc circule la même population. Au milieu de ces incroyables scènes, on trouve souvent des Anglais austères qui lisent les papiers publics, sous le gaz, comme dans un cabinet littéraire, et qui ne sont jamais distraits de leur lecture par le tourbillonnement des ombres. Nombre de sages péripatéticiens traversent toutes ces souillures flottantes, comme la douce Arétuse les flots amers. Ils ne causent pas entre eux. Ils se promènent courbés sous une méditation muette. Ils sont assis sur les banquettes et regardent les arbres. Ils dorment au frais sur la foi de l'hospitalité royale qui leur fait ce doux sommeil. Chacun pense pour soi, parmi ses philosophes errants, et personne n'est assez prodigue de ses idées pour les communiquer à ses voisins. Rien de morne, comme ce silence, qui n'est interrompu par intervalles que par un léger sifflement d'aspiration gutturale sorti d'une lèvre invisible et semblable au susurre de la sauterelle dans les nuits tièdes du midi. Même scène se répète devant le palais neuf de Saint-James, triste et désert comme une ruine d'Égypte. Devant l'arc de triomphe qui s'abaisse si lourdement sur la terre, n'ayant rien à porter vers les cieux, et même encore devant la vénérable abbaye de Westminster. Le cimetière est envahi. Des ombres dissolues folâtrent sur la pierre des tombes et insultent à la majesté des deux chambres et des reines ensevelies dans les hangars et les sépulcres voisins. Westminster élève aux cieux ses deux tours, comme deux bras pour demander vengeance. Le ciel n'écoute point le monument apostat. Il faut que les sacrilèges se consomment. Est-il quelque chose de saint depuis la papauté d'Henri VIII? À défaut du ciel vengeur, il y a une sentinelle qui n'a pas reçu dans sa consigne la répression des sacrilèges, et l'éternel policeman, qui a mission de protéger le sommeil des vivants, ne s'inquiète pas du sommeil des morts. Si l'on se jette dans le faubourg immense de l'autre côté de Westminster, on voit les mêmes accidents nocturnes aux lueurs délatrices de ce gaz impitoyable qui poursuit le crime partout et l'éclaire comme une bonne action. Il y a des grilles de fer ornées de têtes immobiles qui vous regardent et ne rient jamais. Il y a des portes ouvertes qui conduisent à des repères mystérieux et interdits au soleil hydrogène. Il y a des perrons où sont assis des hommes et des femmes comme un groupe de statues sur un tombeau. Et toujours, le long des trottoirs, toujours la fourmilière d'ombres déguenillées, en chapeau de paille, avec le crêpe royal, marchant avec des intermittences d'allure pudique ou folle, selon qu'elle voit paraître ou s'éclipser le waterproof luisant et rond qui couvre la tête du policeman. C'est partout le même tableau, le même décor, les mêmes acteurs. On marche toujours dans la rue qu'on vient de quitter. On revoit ce qu'on vient de voir. À droite et à gauche, de belles maisons dont les portes étincellent de cuivre et de vernis. Des trottoirs doux comme de l'acier poli. Des squares qui dorment à l'ombre de leur prison de fer. Des rues qui suivent le cordeau avec leur régularité désespérante. Une profusion inouïe de fanaux où le gaz joue avec le vent du haut de ses candélabres. Et partout aussi une misère vivante et fluide, une lèpre intarissable, une volupté en putréfaction, un cynisme élevé à toute sa bassesse. Partout l'or et le granit brodant des vignettes anglaises sur un fond d'immondices. En traversant Westminster Bridge, on marche entre deux rangées de niches peuplées de cénobites qui dorment ou attendent quelque chose. Et comme on ouvre la bouche pour respirer la Tamise, après avoir respiré tant d'air infect, on demeure confondu d'étonnement devant le magnifique spectacle de Londres endormi sur les haillons de Londres qui veille. Géant de la création humaine qui n'a pas de pain à jeter à tous ses enfants, et les regarde, gisant sur le fumier, du haut de l'église Saint-Paul, ce beau cours sans âme, ce cadavre du soleil de Rome, ce dôme de glace qui refroidit la tête et le cœur, et ne peut se donner à lui-même qu'une couronne de charbon éteint. L'aube laisse tomber sa pâle tristesse sur toutes ces âmes en peine qui vaguent et prennent un corps aux premières lueurs du jour. Mais quel corps! Elles affrontent l'aurore. Elles feraient reculer le soleil, s'il y avait un véritable soleil à Londres. Il faut voir avec quelle gravité les sentinelles de Saint-James regardent passer ces échappées de la nuit. Où vont-elles subir le jour? Personne ne le sait. Elles l'ignorent elles-mêmes. À cette heure, c'est vraiment un admirable tableau. Qu'une vue de Londres, prise de l'Arc de Triomphe, de Hyde Park ou de Carlton Terrace. Les vapeurs du crépuscule matinal se mêlent aux lueurs expirantes du gaz hydrogène et font ressortir sur un ciel d'opale les cimes des arbres les plus gracieusement dessinés du monde et les hautes colonnades des parcs. Tout ce que l'impitoyable clarté du jour fait saillir de faux, de servile, de guindé, de massif dans la fastueuse indigence de l'architecture anglaise, est encore perdu dans les complaisantes demi-teintes de l'aube. On croirait voir ressusciter d'entre les ténèbres Palmyre et Babylone. La lourde et fade colonne du duc d'York profite du moment pour jouer la colonne Antonine et se faire gracieuse à peu de frais. Sur Waterloo Place et à Regent Street, toutes les pierres s'élèvent avec une majesté imposante. les portiques des clubs oublient qu'ils sont de carton et prennent des airs de temple. Les ordres toscans, ioniques, corinthiens, qui demandent humblement pardon au soleil de s'être déguisés à l'anglaise, affectent des attitudes monumentales à tromper l'œil de Phidias. Sur la place de Trafalgar, le musée s'enveloppe d'un aspect grandiose. Le palais du duc de Northumberland se couvre d'un domino vénitien, et le lion qui le surmonte ressemble quelques minutes à un lion. La statue équestre de Charles Ier ne fait plus rougir l'ombre de Van Dyck et double heureusement le marquerel du Capitole. C'est, de toutes parts, une grandeur, une richesse et une profusion de portiques, de colonnades, de basiliques, de péristyles, comme leur grand artiste Martin les a rêvés, dans une nuit d'orage, avec un éclair livide pour soleil. À mesure que l'aurore aux doigts de brume glisse à travers cette succession monumentale de merveilles ténébreuses, la majesté de leur architecture s'humilie, et dès que le jour arrive, il ne reste que la plus soignée, la plus correcte, la plus habitable ville du monde, où l'industrie et la richesse ont fait triompher tout ce qui est utile, sans appeler l'art et la grâce à leur secours. C'était Les Nuits d'été à Londres par Joseph Méry.